Les Dames de la Visitation, fondées par saint François de Sales et sainte Chantal, prêtent aussi leur concours aux œuvres de saint Vincent de Paul, supérieur de leur maison de Paris. Ce fut leur exquise douceur qui fit désirer à M. Vincent qu'elles se dévouassent aux pécheresses. Elles comprenaient certainement cette mission. Les filles spirituelles du saint docteur de l'amour de Dieu, les religieuses parmi lesquelles allait bientôt surgir la bienheureuse, qui montra à notre pays ce que le cœur d'un Dieu peut renfermer de tendres pardons. Nous aimons à voir les filles de saint François de Sales et les filles de saint Vincent de Paul se rencontrer dans la communion de la charité. Nous aimons à les voir servir le Dieu des miséricordes, au lieu de ce Dieu sombre et jaloux que les jansénistes présentaient à leurs adeptes, et particulièrement à ces austères religieuses de Port-Royal, qui mirent au service de l'erreur une intrépidité digne d'une meilleure cause. Nous aimons encore à opposer la charité active que pratiquaient les collaboratrices de saint Vincent, à ce quiétisme qu'allait bientôt prêcher une autre femme, Madame Guyon. Après avoir parlé des femmes politiques qui, par leur intrigue, contribuèrent à la ruine de la France, je me suis arrêté avec bonheur devant les femmes de bien, qui les relevèrent par la puissance de leur charité. C'est qu'en effet la vraie mission sociale de la femme est dans les œuvres du bien, et non dans les intrusions politiques. Madame de Maintenon en est un exemple de plus. Généreusement associée aux bonnes œuvres de Madame de Miramion, elle-même fondatrice de l'Institut de Saint-Cyr, son rôle est moins heureux lorsqu'elle touche aux affaires publiques. Sans doute elle n'eut pas, dans la révocation de l'édit de Nantes, la part qu'on lui a attribuée. Elle ne voulait pas de conversion forcée, et pour elle la douce et persuasive éloquence d'un Fénelon ou d'un Fléchier, la puissante dialectique d'un Bourdaloue, étaient les meilleurs instruments de propagande. Mais s'il faut effacer de son rôle politique cette participation à une funeste mesure, il est d'autres circonstances où son immixtion dans les affaires d'État fut malheureuse. Il n'est pas jusqu'à sa sensibilité féminine, qui ne devint néfaste au pays, quand, par ses larmes, elle obtint de Louis XIV qu'il reconnut l'office de Jacques II pour roi d'Angleterre. C'est par l'influence de Madame de Maintenon que l'inepte Chamillard, à la double succession d'un Louvois et d'un Colbert, et que le présomptueux Villeroy est investi du commandement qui fait de lui le prisonnier de Crémone et le vaincu de Ramilly. Il est toutefois une intervention politique dans laquelle Madame de Maintenon attire notre sympathie, parce qu'elle n'y figure que dans ses attributions de femme et dans ses sentiments de chrétienne. C'est lorsque, en 1693, elle inspire à Louis XIV, victorieux encore, une généreuse pitié pour les misères du peuple et lui fait désirer la paix. Nous retrouvons alors en elle l'amie de Fénelon et de Madame de Miramion. En dépit de regrettables erreurs, l'influence de Madame de Maintenon est celle d'une femme honnête. Mais que dire du rôle que joue au 8e siècle Madame de Prie, Madame de Pompadour, Madame du Barry, Madame de Prie, vraie reine de France, de par la grâce du duc de Bourbon, et mettant au service de l'Angleterre une influence salariée. Madame de Pompadour, qui tout en n'ayant pas été, comme on le croyait jusque dans ces derniers temps, la première instigatrice de la guerre de 7 ans, la favorise de toutes ses forces pour plaire à la grande souveraine étrangère, dont les prévenances la flattent. Madame de Pompadour, élevant ou précipitant les ministres, faisant donner à Insoumise le bâton de maréchal, mérite par Chevert, et pour se venger de la juste sévérité des jésuites à son égard, poussant le roi à la suppression de leur ordre. Madame du Barry, enfin, dont le nom souillerait ici pour la seconde fois notre étude s'il n'était, cette fois encore, marqué d'un stigmate flétrissant. Madame du Barry à qui la France dut la destruction de ses parlements et le triste ministère d'un duc d'Aiguillon. Devant le règne honteux de cette dernière favorite, quelques cœurs de femmes battirent d'une noble indignation. À la fin du chapitre précédent, j'ai fait allusion à des Françaises qui propagèrent à l'étranger les idées humanitaires et les belles utopies qui vit éclore à la fin du XVIIIe siècle. C'étaient les correspondantes du roi de Suède, Gustave III, qui nous sont connues par la récente publication de leurs lettres conservées dans les papiers d'Uppsala. À la mort de Louis XV, l'une de ses amies de Gustave III, la comtesse de Boufflers, lui écrit les détails de cette mort, lui parle des huées qui accompagnèrent le cercueil sur la route de Saint-Denis. Et cette femme, qui cependant n'était pas de mœurs irréprochables, ne peut s'empêcher de voir dans cette démonstration de mépris une revendication de la conscience publique outragée par l'ignominieuse puissance de Madame du Barry. Rien n'est plus inhumain que le français indigné, dit-elle, et il faut en convenir. Jamais il n'eut plus de sujet de lettres. Jamais une nation délicate sur l'honneur et une noblesse naturellement fière n'avait reçu d'injures plus insignes et moins excusables que celles que le feu roi nous a faites, lorsqu'on l'a vu non content du scandale qu'il avait donné par ses maîtresses et par son sérail à l'âge de 60 ans, tiré de la classe la plus vile, de l'état le plus infâme, une créature, la pire de son espèce, pour l'établir à la cour, l'admettre à la table avec sa famille, la rendre la maîtresse absolue des grâces, des honneurs, des récompenses, de la politique et des lois, dont elle a opéré la destruction, malheur dont à peine nous espérons la réparation. On ne peut s'empêcher de regarder cette mort soudaine et la dispersion de toute cette infâme troupe comme un coup de la Providence. Toutes les apparences leur promettaient encore 15 ans de prospérité, et si leur attente n'eût été déçue, jamais peut-être les mœurs et l'esprit national n'auraient pu s'en relever. Bien opposée à l'influence de Madame du Barry est celle que cherche à exercer sur Gustave III Madame de Boufflers et les autres correspondantes du jeune roi. La comtesse de Brionne, née princesse de Rohan-Lorraine, la comtesse d'Aigmont et sa digne amie Madame Feydeau de même, la comtesse de Lamarque. Nous venons d'entendre l'une d'elles flétrir la faiblesse royale, qui livrait la dignité de la France aux caprices d'une immonde créature. La conduite du roi arrache de superbes accents à la comtesse d'Aigmont, cette intéressante jeune femme dont Gustave III portait les couleurs et qui, mourante, se servait de la respectueuse tendresse qu'elle avait inspirée à son royal chevalier pour lui faire entendre des paroles telles que celles-ci. « Je suis loin de me plaindre que vous ne m'ayez pas écrit plus tôt. Votre gloire est mon premier bonheur, vous le savez. C'est ainsi que je vous aime. Préférez-moi le plus léger besoin du dernier de vos sujets. » Avis bien digne de la femme qui conseillait à Gustave III de faire planter la dalle écarlie en pomme de terre pour le soulagement de son peuple. Toutes les amies de Gustave s'appliquent à faire de lui le bon roi d'un peuple libre, heureux, bénissant dans son souverain la paternelle bonté d'un Henri IV. Ce type royal, la comtesse d'Aigmont, se désespère de ne pouvoir le trouver dans Louis XV. « Votre Majesté m'accuse de ne pas aimer le roi. Hélas, ce n'est pas ma faute. Et le regret de ne pouvoir jouir des sentiments les plus nobles me fait seul soutenir, avec tant de chaleur, l'opinion que vous me reprochez. » Elle ajoute qu'en assistant récemment à une pièce qui lui paraissait remplie de sentiments français, le Bayard de Desbellois, elle aurait acheté de son sang une larme du roi. Elle croit que les Français pourraient encore devenir les sujets les plus soumis et les plus fidèles. Un mot, un regard leur suffit pour répandre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Mais ce mot n'est pas dit. Après Bayard, exalté par la pitié, irrité de la froideur des assistants, je courus chez Madame de Brionne, parler en liberté. Nous relûmes votre lettre et nous répétâmes 1000 fois « Voilà donc un roi qu'on peut aimer. » Nous l'avons vu, il produirait des Bayards, il ferait revivre Henri IV. Il existe et ce n'est pas pour nous. Dites encore que nous sommes républicaines. » À travers le ton de sensibilité et d'enthousiasme qui dénote l'école de Rousseau, il est impossible de méconnaître ce qu'il y a de bonté et d'humanité dans ses accents. Comme la plupart des correspondantes de Gustave III, comme d'ailleurs une grande partie de la noblesse de ce temps, la comtesse d'Aigmont voulait la liberté, mais la cherchait malheureusement en dehors de l'Évangile, erreur fatale qui, en se propageant dans le peuple, amena la Révolution. Cette noblesse française devait chèrement payer l'imprudente ardeur avec laquelle elle ébranlait le trône et l'autel. Mais à ces gentilshommes et à ces grandes dames, qui voulaient le bien en se méprenant sur les moyens de le faire, nous devons appliquer le mot de l'Évangile, « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Je me plus à rendre hommage aux intentions que révèle la correspondance de quelques Françaises avec Gustave III, parce que j'y ai généralement trouvé moins une intervention politique que le désir de faire triompher ces principes de justice, d'honneur et d'humanité, auxquels les femmes ne doivent pas demeurer étrangères. Le don de conseil, qui appartient à la femme forte, trouve ici encore son emploi, pourvu qu'il soit exercé avec prudence. Disons ici que toutes les correspondantes de Gustave III n'ont pas échappé aux reproches de pédantisme, et que tout en s'excusant de sa témérité avec une modestie féminine, Madame de Boufflers semble plus régenter le roi que le conseiller. Pour l'épouse, pour la mère, le droit de conseiller est particulièrement un devoir. Un devoir que sait remplir, auprès de son fils, la sainte mère de Louis XVI, quand elle rappelle au jeune prince que les rois doivent représenter Dieu sur la terre, par leur majesté, par leur action bienfaisante, par la pureté de leur vie, et que plus ils auront de ressemblance avec ce divin modèle, plus ils s'assureront les hommages des peuples. Saint Louis, c'est là le type qu'elle présentait au futur roi martyr. Heureuse Marie-Antoinette si, comme la mère de Louis XVI, elle avait pu n'exercer son influence que dans la limite que lui prescrivaient les devoirs de la femme forte. Mais entraînée dans la mêlée des compétitions politiques et des luttes révolutionnaires, l'auguste reine allait témoigner que si le pouvoir est pour la femme une arme qu'elle rend facilement dangereuse au pays, cette arme, hélas, peut la tuer elle-même. Ah, ce pouvoir, Marie-Antoinette ne l'a pas cherché. Lorsque, presque enfant encore, elle est venue en France dans le charme de sa ravissante beauté et de sa grâce aérienne, dans l'irrésistible attrait d'une nature expansive qui a besoin d'être aimée et qui appelle la tendresse, un long cri d'amour a éclaté sur son passage. Cet enthousiasme populaire qu'elle soulève et dont les enivrantes émotions ne la rassasieront jamais, c'est là sa puissance, c'est là sa royauté. Et cette royauté qu'elle est heureuse de la devoir au pays de France, française, elle l'est par son éducation, par les élans spontanés de sa généreuse nature, par la vivacité de son esprit, par l'étourderie et la gaieté de son caractère, et la frivolité même de ses goûts. Aussi avec quelle indulgence elle excuse les défauts de ses chers vilains sujets. Leur légèreté, la mobilité d'impression avec laquelle, après s'être laissé aller aux mauvaises suggestions, ils reviennent si aisément au bien. Le caractère est bien inconséquent. Mais n'est pas mauvais, écrit-elle à sa mère. Les plumes et les langues disent bien des choses qui ne sont point dans le cœur. Et comme elle se plaît en même temps à faire ressortir tout ce qu'il y a dans ce pays de bonne volonté pour le bien, il est impossible que mon frère n'ait pas été content de la nation d'ici. Car pour lui qui sait examiner les hommes, il doit avoir vu que, malgré la grande légèreté qui est établie, il y a pourtant des hommes faits et d'esprit, et en général un cœur excellent et beaucoup d'envie de bien faire. Mais la jeune reine n'avait point alors la pensée que ce dut être à elle de bien mener, non pas que déjà elle ne fût entraînée par ses affections à se mêler de ses affaires auxquelles répugnait sa vive et juvénile nature. Mais elle ne prétendait pas agir sur la marche générale de la politique. Elle avait au cœur une bien autre ambition. Pouvait-elle oublier ce beau titre de nos souveraines, reine de France et de charité? Certes, elle le méritait, ce titre, la généreuse femme. Ils en témoignent ce paysan blessé qu'elle secourt, ce vieux serviteur qu'elle panse de ses mains, ces humbles ménages qu'elle recueille au petit Trianon, ces filles pauvres qu'elle dote, ces femmes âgées pour lesquelles elle fonde un hospice, cette société de charité maternelle qui se crée sous son patronage. La reine étend plus loin sa puissance. Les vieilles gloires françaises reçoivent son hommage. Elle les honore dans les hommes dont le nom les rappelle. Par son intervention, le petit-neveu de Corneille, père de famille plongé dans la misère, obtient du roi une gratification de 1 200 livres. En entendant louer l'action du chevalier d'Assas, elle s'étonne du long oubli où est demeuré ce fait sublime, et veut savoir si le héros a laissé une famille. Cette famille existe, et elle obtient une pension héréditaire. Les gloires du passé ne font pas oublier à Marie-Antoinette les besoins du présent, s'il faut en croire la tradition suivant laquelle, dès les premiers temps du règne de Louis XVI, la jeune reine aurait voulu que la cour et le gouvernement fussent transférés à Paris. De grands travaux d'utilité publique, l'achèvement du Louvre, la transformation de ce palais en un musée, tous ces projets que d'autres temps devaient voir se réaliser se seraient rattachés au plan de cette jeune reine, qui ne semblait occupée que de ses plaisirs. Monsieur de Maurepas aurait fait échouer ce plan. Hélas, c'est comme prisonnière que la famille royale devait un jour habiter les Tuileries. Rappelons encore un autre fait qui, celui-là, est complètement historique. L'acte de généreux patriotisme par lequel la reine, pour doter la France d'un vaisseau, renonça au superbe collier de diamants que le roi lui offrait, et qui devint l'origine du procès célèbre dont les péripéties furent si douloureuses à Marie-Antoinette. Faire le bien, c'était la préoccupation de la reine. Malheureusement, la prudence ne modérait pas toujours les élans de son cœur. Et comme nous l'avons déjà dit, ce fut le besoin d'obliger ceux qu'elle aimait qui lui fit toucher d'une main souvent imprudente aux affaires de l'État. En devenant reine de France, elle n'a pas oublié que c'est au duc de Choiseul qu'elle doit sa couronne, et que c'est le duc d'Aiguillon qui a fait exiler ce ministre. Elle s'efforce de ramener au pouvoir M. de Choiseul. Elle y échoue, mais du moins elle obtient son rappel de l'exil et le renvoi du duc d'Aiguillon. Plus tard, elle fera exiler celui-ci, non seulement parce qu'il espionne et tient contre elle de mauvais propos, mais parce qu'il est hostile à M. de Guines, que protège M. de Choiseul. M. de Guines, cet ambassadeur de France à Londres, qui a un procès déshonorant que la reine fait réviser. La reine, il faut l'ajouter, aime à se dire qu'en obligeant M. de Choiseul, elle fait remplir un grand acte de justice. Elle pense de même que pour la révision d'un autre procès, celui de messieurs de Bellegarde, condamné à un long emprisonnement par une condamnation que M. de Choiseul juge inique. C'est avec des larmes de joie que la reine a obtenu de Louis XVI la révision de ces deux procès. Lorsque messieurs de Bellegarde, qui lui doivent plus que la liberté, l'honneur, viennent avec leur famille se jeter aux pieds de leur libératrice, la reine, modérant les transports de cette reconnaissant, dit que la justice seule leur avait été rendue, qu'elle devait en ce moment même être félicité sur le bonheur le plus réel qui fut attaché à sa position, celui de faire parvenir jusqu'au roi de justes réclamations. Mais le chaleureux appui que la reine accorde à M. de Guines a de déplorables conséquences. Turgot et Malesherbes sont, eux aussi, contraires à ce diplomate. La reine, qui leur garde déjà rancune de n'avoir pas appuyé ceux de ses protégés qu'elle voulait faire entrer dans le cabinet, la reine, faisant violence à la conscience du roi, se joint à la cabale qui renverse ces deux honnêtes ministres. Peut-être Marie-Antoinette s'imaginait-elle que la France désirait ce changement. Mais pour venger M. de Guines, elle montra une âpreté bien étrangère à sa générosité habituelle. Elle aurait voulu que Turgot fût envoyé à la Bastille, le jour même où, par elle, M. de Guines était nommé duc. Voilà ce qu'écrit avec douleur à l'impératrice Marie-Thérèse l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy Argenteau. Lui-même constate: la jeune reine n'aime pas M. de Guines, mais elle soutient en lui l'ami de M. de Choiseul. Le 11 mai 1776, Marie-Antoinette écrivait à sa mère: « M. de Malesherbes a quitté le ministre avant-hier. M. Turgot a été renvoyé le même jour. J'avoue à ma chère maman que je ne suis pas fâché de ses départs, mais je ne m'en suis pas mêlé. » La reine ignorait que Marie-Thérèse savait à quoi s'en tenir sur la sincérité de cet aveu. Mais la jeune femme mentait comme une écolière qui a peur d'être grondée. Elle se souvenait des reproches que sa mère lui avait faits au sujet de ses premières imprudences politiques. L'empereur Joseph II, tendrement attaché à sa sœur Marie-Antoinette, lui avait écrit alors une lettre si dure que Marie-Thérèse crut devoir en empêcher l'envoi. Dans son français germanique, Joseph II avait adressé à la reine des avertissements tels que ceux-ci. « De quoi vous mêlez-vous, ma chère sœur, de déplacer les ministres, d'en faire envoyer un autre sur ses terres, de faire donner tel département à celui-ci ou à celui-là, de faire gagner un procès à l'un, de créer une nouvelle charge dispendieuse à votre cour, enfin de parler d'affaires, de vous servir même de termes très peu convenables à votre situation. Vous êtes-vous demandé une fois par quel droit vous vous mêlez des affaires du gouvernement et de la monarchie française? Quelles études avez-vous faites? Quelles connaissances avez-vous acquises pour oser imaginer que votre avis ou opinion doit être bonne à quelque chose, surtout dans les affaires qui exigent des connaissances aussi étendues? Vous, aimable jeune personne, qui ne pensez qu'à la frivolité, qu'à votre toilette, qu'à vos amusements toute la journée, et qui ne lisez pas ni entendez parler raison un quart d'heure par mois, et ne réfléchissez ni ne méditez, j'en suis sûr, jamais ni combinez les conséquences des choses que vous faites ou que vous dites. L'impression du moment seul vous fait agir, et l'impulsion, les paroles mêmes et arguments que des gens que vous protégez, vous communiquent et auxquels vous croyez, sont vos seuls guides. Mais Marie-Thérèse et Joseph II étaient loin de vouloir que la reine n'eût aucune action politique. Ils voulaient seulement qu'elle prît au sérieux cette influence et la fît servir, non à ses petites passions, comme les appelait le comte de Mercy, mais à des choses utiles. Il n'oubliait pas ici leurs intérêts, et l'alliance autrichienne est surtout ce qu'il recommande aux soins de Marie-Antoinette. C'est pour que cette alliance ne soit pas compromise après le partage de la Pologne que Marie-Thérèse, abaissant sa dignité maternelle, avait naguère reproché à la dauphine de France d'afficher pour Madame du Barry le mépris que la créature lui inspirait. Froissée dans les plus fières délicatesses de son âme, la jeune archiduchesse résistait à sa mère. « Vous pouvez être assurée, lui écrivait-elle, que je n'ai pas besoin d'être conduite par personne pour ce qui est de l'honnêteté. » Pour obtenir de la pure jeune femme une parole banale que celle-ci adresse enfin à Madame du Barry, il faut que sa mère l'adjure de sauver l'alliance entre son pays natal et son futur royaume. En 1778 éclate l'affaire de la succession de Bavière. Après que Joseph II a illégalement envahi ce pays, la famille de Marie-Antoinette la supplie d'obtenir que la France intervienne en faveur de l'Autriche. La reine est alors, on le sait, toute puissante sur Louis XVI. À l'empire qu'elle exerce sur lui et qui a succédé à la froideur avec laquelle il la traitait naguère, se joint le tendre intérêt qu'inspire l'espoir de sa première maternité. En lisant les appels émouvants que lui adresse cette mère, qui, dit-elle, mourra de chagrin si l'alliance est rompue, ce frère tant aimé, qui en lui reprochant de ne pas l'aider, lui déclare que du moins elle n'aura pas à rougir de lui dans les prochains combats. La jeune femme se trouble. Sa pâleur, ses larmes trahissent son angoisse. La vue de sa douleur déchire le cœur de Louis XVI. Il pleure avec elle, mais c'est avec ses ministres qu'il agit, et le devoir du roi l'emporte sur la tendresse de l'époux. Ce devoir et cette tendresse se concilient du jour où la France, investie du beau rôle de médiatrice, termine le conflit. Plus tard, lorsque Joseph II voulait que la Hollande lui livrât la libre navigation de l'Escaut, la reine intervint avec une persévérante énergie pour que la France soutînt son frère. Par son traité avec l'Autriche, la France s'était engagée à fournir à son allié, en cas de juste guerre, une somme de 15 millions ou bien une armée de 24 000 hommes. La reine demandait que ce dernier mode de secours fût adopté. « Je ne puis l'obtenir, dit-elle à Madame Campan, et M. de Vergennes, dans un entretien qu'il eut avec moi à ce sujet, mit fin à mes instances en me disant qu'il répondait à la mère, du dauphin et non à la sœur de l'empereur. » Les 15 millions dont l'Autriche n'avait pas besoin furent expédiés à Vienne d'une manière qui fit croire au peuple que la reine vidait pour sa famille les coffres de l'État. C'est par de telles fêtes que la reine voyait se propager dans les classes populaires l'injurieux surnom qu'à son arrivée en France on lui avait donné en haut lieu, l'Autrichienne. Et cependant la critique impartiale l'a constaté, les sentiments domestiques de la reine ne furent pas ici nuisibles à la France. Devant la puissance grandissante et menaçante de la Prusse, le moment était venu d'abandonner la vieille politique anti-autrichienne. Qui donc aujourd'hui oserait dire le contraire? En agissant comme fille, comme sœur, et sagement contenue d'ailleurs en cette circonstance par le gouvernement de Louis XVI, la reine n'avait donc pas exercé une influence répréhensible. Il n'en fut pas de même lorsque d'autres sentiments la jetèrent dans les luttes politiques.